Choisis la voie la moins empruntée. Le bonheur est au bout du chemin. Mais ne suis pas le chemin des autres. Personne ne peut rien faire pour toi. Ta vie. Ton bonheur. Ton choix. Tu veux faire le premier pas ? Écoute Mickaël sur Énergie. De 20h à 22h. Allez, c'est parti, dernier jour de la semaine et bienvenue tout le monde. Le vendredi, vous le savez, c'est de 20h à 22h l'émission qu'elle se passe. Comme d'habitude, Toff qui est là en pleine forme avec plein d'insultes qu'il prendra dans la tronche. Oui. Bah, un petit peu moins le vendredi puisque forcément il n'y a que 2h. Alors, oui, c'est plus compliqué. C'est triste, ça me déçoit. Bah oui, je sais bien. Polo qui est là également en pleine forme. Oui, je suis là tranquille comme d'hab. Bon, bah comme d'habitude, très bien, parfait. Il y a Seba évidemment comme d'habitude au standard et puis dernière émission entre couilles hein, à partir de lundi. Oh, c'est triste. Une demoiselle viendra nous rejoindre dans l'émission. Donc ce sera lundi, soyez là à partir de 20h si vous voulez la découvrir. Lundi donc à partir de 20h. Bon, allez, on va se faire pas mal de choses ce soir. Évidemment, on va démarrer avec le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs dans un instant? Il y aura Tal qui va arriver. Il y aura le son que je préfère pour l'instant, 21 Pilots. Et je mettrai Julien Peretta. Tout à l'heure avant 22h, il y aura Ken Jones. Assez. Bonjour madame, évidemment. Et il y aura LP, ça va arriver dans moins d'un quart d'heure. On se fera évidemment les appels mal intentionnés. On aura un petit chéri, je peux te faire cocu. On se fera un petit canular avec Bilal tout à l'heure. Et puis avant de se faire le jeu de la piscine, eh ben on va se faire le son de Tal maintenant sur Énergie. Passez une bonne soirée. Je rappelle que si vous voulez participer à l'émission, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone sur le mail de Seba au standard seba@energie.com. L'impression d'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs. Une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. get up, be on my way, cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds if on a mission. Some new every year. I will wake. I will wake. Time to wake up right. De 20h à 22h. Mickaël. Mickaël. Et sur Énergie. Passez une bonne soirée tout le monde. Bon vendredi 20h-22h et bonnes vacances aussi. On est là sur Énergie et on va se faire le jeu de la piscine maintenant avec Jennifer qui est avec nous, 28 ans, Strasbourg. Comment ça va Jennifer? Salut, ça va, merci. Salut, bon, bah, bienvenue à toi Jennifer de Strasbourg. Merci. On va faire le jeu de la piscine maintenant. On va essayer. Bah oui, je te confirme, effectivement, on bracelet connecté à gagner. Si jamais tu arrives, évidemment, hein, bien sûr, à découvrir les mots que Toff va tenter de te faire deviner. Le principe est donc relativement simple, sauf que, évidemment, tous les auditeurs d'énergie vont tenter de jouer contre toi. Oh, merde. Ah bah oui, forcément, sinon ça va être simple. Hein. Donc Toff aura la tête sous l'eau, il va tenter de te faire deviner des mots. Si jamais tu trouves le mot avant les auditeurs d'énergie, bah, tu donnes la réponse, le point est pour toi, d'accord? Si jamais d'accord. Les auditeurs qui enverront leur réponse par SMS au 612 trouvent la réponse avant toi, c'est l'équipe des auditeurs qui prend le point, d'accord? D'accord. Okay. Le premier des deux, soit l'équipe des auditeurs, soit toi qui arrives à 3 points, gagne. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Ouais. Je pense que tout est clair, c'est parfait. Il y a Ludo qui dit c'est bidon. Bon bah écoute, libre à toi de couper la vidéo. Hein. C'est bah oui, on te force pas à rester, hein, Ludo. Il y a vraiment pas de problème. Dis-nous, c'est quelqu'un de force. Ouais, nous sommes dans un pays libre. Tout est libre. Il y a pas de problème. Bon, donc je rappelle également que l'équipe des auditeurs, si elle gagne, c'est par rapport à ceux qui jouent. Donc on ne peut pas faire gagner tout le monde. Donc si l'équipe des auditeurs gagne, à ce moment-là, on tirera au sort l'un de vous, celui qui aura donné au moins une bonne réponse. Et donc bah lui ou elle repartira avec le bracelet connecté. Bon, Jennifer, on va y aller. C'est bon. Oui. Je vais passer mon téléphone à Polo afin qu'il puisse filmer en direct ce bel homme, cet homme rempli de muscles, cet athlète de haut niveau. Merci. Ah là là là là, Toff dans sa piscine évidemment, il est là, il est beau. Il est grand, il est fort. Bon, je m'emballe peut-être un petit peu. J'ai trouvé ça parfait. Ah ouais ? Bah dis donc. Bon, je me suis peut-être un petit peu emballé. Allez, on y va, j'envoie Toff dans la piscine, c'est parti. Le voilà. Je rappelle que si vous avez envie de participer, de donner des réponses, préparez des messages d'avance. Hein, vous préparez Mickaël, espace, votre numéro de téléphone, et vous préparez votre message pour mettre la réponse. Envoyez le tout au 612. Et puis, bah, on vous tirera peut-être au sort pour vous offrir le cadeau. Alors, attention. On y va. Premier mot à découvrir. Jennifer, regarde bien. Je rappelle que c'est toujours filmé en direct sur Facebook. M-I-K-L officiel. On y va. C'est parti. Le premier mot à découvrir. Articule, on comprend rien. Monticule. Pas du tout. Proposé, ah, attends, c'est quoi? Vas-y, je dis encore. Bah c'est à propos là pendant l'été. Proposer du bricolage par SMS, non. Il y a Léonie qui proposait une bouée, non. Arnaud qui proposait un barbecue, non. Il y a que les filles qui utilisent ça. Un biberon, bah non. Elle a dit un vibro, elle a dit. Ah, un vibro. Non, bah y a pas que les filles hein, pour le coup. Il y a des mecs qui l'utilisent aussi. Hein, ouais, mais on a bien senti la personne. Ouais. Rentre dans la piscine, toi, chien de la classe. Ouais. Bon, vous envoyez Mickaël et votre message au 612. Et bikini, bonne réponse. Bah voilà, Jennifer. Bravo. Et bah voilà. Putain, en plus, t'as pas été très très rapide, donc bravo. Bravo. Bon, on proposait un mojito, un papillon, la canicule pour Yassir, non. Un parasol, une baignade, une boule de neige non plus. Un maillot de bain pour Claire. Ah ouais, mais c'était un bikini. Maillot de bain, non. Bikini, voilà, Benoît avait trouvé aussi. Benoît du 24, mais trop tard. Maillot de bain également. Bikini, ça avait trouvé aussi. Léonie avait trouvé. Bon, ça fait un point pour toi, Jennifer. Bravo. Deuxième mot à découvrir, les auditeurs, je vous le rappelle, vous pouvez évidemment tenter votre chance pour découvrir le mot en envoyant Mickaël, espace votre numéro, espace la réponse au 6-11-12. On renvoie Toff dans la piscine. Et voici le deuxième mot à découvrir. Mickaël, et votre message au 612 et c'est toujours filmé en direct sur Facebook. M-I-K-L officiel. Quoi ? Un chou-fleur ? Ah, d'accord, ok, j'ai trouvé. Éric de Menton qui proposait une sodomie, non. Il y a Mélissa qui proposait une boule de neige, non. C'est pas la peau des fleurs, non, mais c'est bien, tu proposes, Jennifer. Proposer un football, un bonbon non plus par SMS. C'est toujours en rapport avec l'été, hein, et un peu en rapport aussi avec le bikini. Ou... Un hamburger, non. Un crème solaire, ça a été trouvé par Arnaud du 68, bravo Arnaud. Ça fait un point pour les deux. Crème solaire. Ah. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, Jennifer, ça fait un partout. Ça fait un partout, c'est rien. Allez, les auditeurs, préparez votre message. Mickaël, votre numéro. Et la réponse au 6-11-12. Un partout, on y va, on enchaîne. Toujours filmé en direct. Vous pouvez voir la gueule de Toff dans la piscine énergie hein, sur le Facebook de l'émission, sur M-I-K-L officiel. Vas-y. Barbecue, bonne réponse. Ouais. Bravo, Jennifer. Oh là là, quelle rapidité. Quelle rapidité! Oh là là, Jennifer, la classe! Bon, ça nous fait deux points, Jennifer. Un seul seulement pour les auditeurs d'énergie. À savoir que c'est souvent les auditeurs qui gagnent. Hein. Sauf là, peut-être ce soir, hein, où on avait trouvé aussi barbecue par SMS, mais trop tard. Bon! Je ne porte pas la poisse. Allez, bah, je suis pas là pour ça, Jennifer. Allez, on renvoie Toff dans la piscine. Peut-être le dernier mot à découvrir maintenant, si vous avez la réponse. Mickaël, votre numéro de téléphone et la réponse, envoyez ça au 612. On y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu proposais, Jennifer ? Pingouin, non, pas du tout. T'as toujours un rapport avec l'été. On proposait une pizza, non, c'est pas ça. Un gros sexe, non plus. Un ciel bleu, non plus. Du soleil, c'est pas ça. Une serviette, non plus. Un transat, ça a été trouvé par SMS. Au 612, voilà. Le transat, Claire aussi avait trouvé. Jennifer, tu nous fais du suspense, c'est bien, Jennifer. Non mais tu sais quoi, c'est l'anniversaire de mon chéri aujourd'hui. Ah ouais. Eh ben, ce serait con de perdre. Hein. Ce serait deux fois plus con de perdre. Bon. Voilà, exactement. Jennifer, le dernier mot à découvrir. Alors c'est sûr, c'est le dernier. Hein. Soit tu trouves, tu gagnes, soit les auditeurs trouvent, ils gagnent. Attention, je rappelle encore une fois que si vous êtes derrière votre radio, que vous voulez participer, si vous pensez avoir trouvé le mot, envoyez Mickaël, votre numéro et votre réponse au 612. Et c'est toujours évidemment filmé en live sur le Facebook de l'émission. Vous voyez la gueule de Toff dans la piscine de la radio sur M-I-K-L officiel. Allez, attention, on y va, dernier mot à découvrir, c'est parti. Une bouée ? Non, c'est pas une bouée. Du sable ? On dirait qu'il gémit Toff, non c'est pas ça non. On faisait la mer, non. Et le tong, garde du 68 qui a trouvé la tong. Ah, Thomas. Ah, Jennifer. Putain, t'avais bien démarré en plus là. Oh putain, je suis déçu pour toi, Jennifer. Moi aussi. Ah bah j'imagine, ouais, j'imagine. Bon bah, tant pis, hein, écoute, c'est pas grave. Bon, sans rancune, tu continues à nous écouter de temps en temps. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, d'accord, ok, alors ça va. Alors me voilà rassuré, très bien. Bon, je te fais quand même des gros bisous, Jennifer, d'accord? Ça marche. Allez, je t'embrasse. Salut à toi, Jennifer. Et puis, si vous voulez aussi faire un jeu de la piscine, vous pouvez bien sûr vous inscrire, laisser votre numéro de téléphone et vous mettez piscine dans l'objet du mail. Vous envoyez ça sur le mail directement de Seba au standard, seba@energie.com. On rejouera évidemment dès lundi sans problème. Passez une bonne soirée, tout le monde. On va se faire le son de LP, je l'avais promis. On écoute ça tout de suite sur Energie. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Days of no surrender years ago. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never loved. constipation. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile. De 20h à 22h sur Énergie et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. On est sur Énergie jusqu'à 22h. Bah, passez une bonne soirée, évidemment. Passez un bon week-end aussi qui va débarquer dans quelques minutes. On va écouter le son de Julian Peretta dans un instant. Et puis, on va prendre Audrey qui est avec nous de Grenoble. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Bon, bah, très bien. Passez une bonne journée. Bah, nous, on va bien aussi. Audrey, à la cool. Polo m'a payé un verre tout à l'heure. C'est vrai. J'ai savouré. C'était bon, hein. Voilà. Bah, moi, je viens de sortir du travail. Ah, et tu fais quoi de la vie? Je suis aide-soignante. Ah, il galère. Oui. Et donc, du coup, tu travaillais quelle heure le matin? Parce que, comme on s'est rendu compte, d'après. Il y avait quand même des scientifiques, ou je sais pas qui a quand même. Enfin, ils ont fait une étude, quoi, pour se rendre compte qu'il serait mauvais pour la santé de se lever avant 10h. Mais alors, du coup, quand on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est un mensonge. Non, si, l'avenir, mais pas la santé. Ouais, donc pas l'avenir. Voilà. Si t'as pas la santé, t'as pas d'avenir. Ouh, là, c'est philosophique. Là, ça va loin, là. Bah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, du coup, Audrey, tu te lèves à quelle heure, toi, en général? Alors, moi, en général, c'est 5h30 le matin. Oh là là là, toi, tu vas pas vivre vieille, Audrey, hein, ça, c'est. Mais c'est bizarre. Mais tu vas dormir à quelle heure? Moi, en général, 10h, 10h30, je suis au lit. Ah ouais? 22h, ouais, donc ça fait. Bon, ça fait 7h30, quoi. Ouais. Oh, c'est bien. 7h30 de sommeil, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ce qu'il faut, en général, c'est la moyenne qu'il faut avoir. Et du coup, tu fais ça depuis combien de temps, Audrey? 6 ans. Et en vacances, c'est pareil, c'est le même bordel ou ça va mieux? En vacances, en général, je le fais 8 heures parce que mes enfants ne me laissent jamais dormir plus tard. Ah bah ouais, forcément, j'imagine, en général, donc voilà. Et il y a François sur le SMS qui dit, moi, je me lève à 2h et je me couche à 21h, ouais, ça fait pas beaucoup. Je me lève à 9h du matin, moi perso, mais dites-nous si c'est en vacances ou pendant l'année quand vous travaillez. Ça dépend des cours, c'est Louis. Oui, bah forcément, il y a des jours où tu travailles, enfin où tu démarres les cours un peu plus tard. Salut l'équipe, moi c'est Toto Louis 7-6, je suis boulanger, 5h-12h en général. Attends, il y a Alexis aussi qui est avec nous. Salut Alexis. Salut. Ça va? Et toi? Bah écoute, ouais, tranquillement, bienvenue à toi, merci d'avoir appelé. Du coup Alexis, alors, t'as 20 ans, toi tu fais quoi dans la vie déjà? On va commencer par ça. Alors, je suis conducteur routier. Ouais. Donc là, actuellement, je roule beaucoup de nuit, bah je fais que des navettes de nuit. T'es en bâché? Et ouais. Ah bah t'as bâché. Non, excuse-moi, je suis pas bâché, non, je suis en fourgon, je fais de la messagerie. Ah, t'es messagerie, ah bah ça. Alors d'après le level des camions, pour ceux qui, parce qu'on a appris ça depuis qu'on fait la nuit, d'après le level des camions, il y a le frigo qui est le must du must, c'est au niveau des routiers. Ah, c'est le roi de la route. C'est le platinium. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après il y a le bâcher qui est en dessous, qui est le puits d'apis. Ouais. Et alors il paraît que le messager, donc celui qui transporte les courriers, les gens comme ça, c'est vraiment le pipi du pipi dans le monde du camion. Ah, c'est du caca. Il paraît. Ouais. Moi je sais pas, Alexis, tu confirmes ou pas? Bah alors après je vais te dire une chose Polo et à Mickaël aussi, c'est que après on dit que c'est les bâchés, les frigos et tout bordel, mais moi je suis désolé. Ceux qui roulent en frigo et qui font des petites tournées et tout ça, bon bah voilà, eux on va dire qu'ils roulent pas beaucoup, mais quand tu vois que je fais à peu près 3500 km la semaine, que je roule 700 km par nuit, et que je fais des semaines de 49 heures, si tu veux. Ah mais ils ont pas dit que je travaillais pas beaucoup ou que mais tu travaillais pas, beaucoup. On est pas passé aux 35 heures. De ouais bah apparemment pas là-bas. Vous êtes pas noble. Ouais. Eux ce seraient des chevaliers. Ouais de la parce qu'ils savent ils livrent la nourriture, ils donnent à manger au peuple alors que bon le messager lui il donne rien il quoi. Donne rien quoi. Voilà, il donne du papier. Ah, ouais il y a des informations ouais c'est vrai. Bon du coup Alexis au niveau des horaires comment ça se passe? Oula. Tu vois avec un frigo on l'entend bien. Toujours. Ouais. Ouais. ils ont un bon kit les frigos, c'est pour ça. Non, je rigole. Le matin à peu près vers 5h30. Attends parce que ça a coupé, on n'a pas entendu le début Alexis. Tu disais quoi au début? Je disais je prends vers 17-18h. Ouais. Et je finis à peu près vers entre 4 et 5h du matin. Ah bah donc tu nous écoutes toute la nuit, c'est cool. Ah bah oui, bah je passe le polo chaud aussi régulièrement. Ah bah super, ah donc bah c'est ça, c'est quand on fait nos horaires normaux. Je rappelle que là on remplace Koé et Guillaume à cheval, on va dire, qui sont partis en vacances, on fait 20h minuit pendant tout l'été, mais en temps normal, on est là toutes les nuits, du lundi au jeudi. Bon bah écoute, du coup Alexis, tu devrais vivre vieux, en tout cas être en bonne santé, puisque... Bah non, justement, il y a un truc qui me chagrine là, parce que tu sais les gens qui disent qu'ils travaillent de nuit, normalement ça t'enlève des années de ta vie. Ah bon? Bah oui, je sais pas si t'as déjà entendu parler ça, quand tu verras s'il y a des gens qu'on parle, mais normalement, quand tu travailles la nuit, tu perds des années de ta vie, parce que justement, ça te fatigue plus et tout. Mais ça. Non. Bah après moi je pense que c'est plutôt un rythme à prendre. C'est ceux qui travaillent de nuit mais qui genre le week-end ou à certains jours dans la semaine essayent d'avoir des horaires de jour pour pouvoir aller avec des potes etc. C'est eux qui pètent un câble. Mais si tu travailles si tu dors tes 8 heures et que tu dors le matin, le midi ou le soir, peu importe à la limite, tu vois, tant que t'as ton horaire normal et régulier dans ta tête, je pense que ça change pas grand chose. Ouais je sais pas, après je pense. Bah, c'est vrai que s'il y avait des gens justement qui pourraient interagir là-dessus, ça pourrait. Normalement, on peut pas savoir après. Hein. Tu sais, on peut pas savoir si les gens meurent plutôt à cause de ça, à cause d'un autre truc. Je suis mort, j'ai trop travaillé la nuit, je suis revenu, je vais vous expliquer comment ça se passe. Bah, si vous les écoutez de l'au-delà éventuellement. On peut faire un peu de spiritisme, on va se toucher les petits doigts et on va essayer de leur parler. On peut, voilà, pourquoi pas. Donc 01 40 71 5000. Je connais pas le préfixe depuis l'au-delà, mais débardez-vous. Ah, je crois que c'est 30. Ouais. C'est vrai qu'il y a des médecins qu'on a déjà parlé, donc c'est pour ça justement que... Eh ben écoutez, appelez-nous en tout cas. Ben Alexis, merci beaucoup, tu repasses dans le polo show quand tu veux, dans l'émission aussi, évidemment. Très bien, y a pas de soucis, bonne soirée. Et puis bonne route, Audrey, je te fais des gros bisous, merci à toi, et puis tu rappelles quand tu veux. Je t'embrasse, à bientôt Audrey. À bientôt. Et puis si vous voulez passer dans l'émission, vous êtes évidemment les bienvenus. On sera de retour lundi en direct à partir de 20h. Si vous voulez participer pour un jeu ou si vous voulez nous raconter quelque chose, vous n'hésitez pas. Si vous avez un problème, pouvez aussi nous appeler. On n'a pas la science infuse, mais on peut rendre service. Voilà, on peut essayer en tout cas. Vous envoyez un mail à seba@energie.com. Laissez bien votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler, ou par SMS, c'est Mickaël et votre message au 612. Vous restez là, on se met la pub en speed et Julien Peretta qui arrive juste après sur Énergie. Vous écoutez Energy, même en plein mois d'août. Vous gagnez ce que tout le monde veut. Le pack vacances avec dedans MacBook Air, iPhone 6S et le casque Beats sans fil qui va avec. Ah bon? Dès que vous entendez le double hit Energy avec Soprano et Tal à la suite, soyez les premiers à appeler Energy 3037 pour prendre votre pack vacances. Apple Energy. Des hits tout l'été. C'est Energy. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Un pour tous. J'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Avec Énergie, It's Music Only. Manu, Kamel et Julie, vous ne les connaissez pas. Pourtant, ils sont au port tous les jours. Ils savent que vous passez des heures à bichonner votre bateau, prêt à sortir à la moindre occasion, que vous êtes calme en toutes circonstances, même quand les cordages s'en mêlent. Mais ils savent surtout que la mer, elle, peut perdre son calme à tout moment. Manu, Kamel et Julie, vous ne les connaissez pas. Ils veillent sur vous toute l'année. Ils sont sauveteurs en mer. Les sauveteurs en mer, l'assurance de belles vacances. Le mariage est l'un des plus beaux jours dans la vie d'une femme. Enfin, presque. Avant, il y a surtout son enterrement de vie de jeune fille. Tout y est permis. Dîner, danse et surprise jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est aussi le moment où on peut commencer à détester ses amis. Sorry, je me marie, lundi 29 août sur Énergie 12. Tu sais qui vient de gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques ? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires ? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin ? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Nos histoires sont trop belles, sont cruelles, sont fanées. Les passions passagères nous font tout oublier. La raison se réveille à la fin de l'été. Quelle drôle d'époque où les cœurs se connectent pour soi-disant s'aimer. Quelle triste époque, on s'aime sans question, on ne fait que consommer. Quelle drôle d'époque où l'espoir se reflète dans de la perfection de 20h à 22h sur Énergie. Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre aussi sur le Facebook de l'émission, Facebook, Twitter et sur Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel. Voilà, il y a toutes les photos qu'on mettra tout au long du week-end évidemment. Et puis on va prendre Raldo qui est avec nous maintenant. Salut Raldo. Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi? Comment l'équipe? C'est un mélange de Rado et d'Aldo. Ouais, c'est ça. Non, c'est, question. Fait, c'est mon prénom mais remixé, pas vu. Ah, c'est remixé. Bah, on n'a pas vu, mais on veut bien croire. Bon alors, Raldo, dis-moi, désolé pour le retard. Hein, t'es là depuis longtemps, mais il y a eu beaucoup de monde, donc voilà. Raldo, raconte-nous un petit peu qui t'amène. Tranquille, y a pas de souci. Bon, en fait, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est Valentine qui m'a répondu au standard, non? C'est une fille ou un garçon? Ouais, c'était une fille. Ouais. Alors c'est Valentine. De toute façon, il n'y a qu'une dans l'équipe, donc oui. Ah, moi, il t'offre une voix relativement efféminée. Oui, je prends ma voix de femme pour décrocher. Est-ce que c'est cette voix-là, Raldo, pardon, qui a décroché? Énergie, bonsoir. Ah non, j'aurais raccroché, ben non. Oui, alors c'est Valentine, Raldo, je te confirme. Ah ouais, eh ben franchement, Valentine, t'as une voix, on dirait t'as le charme et la classe qui va avec. Oh là là, là. Oh, le vieux dragueur des Champs-Élysées, tu sais. Les mecs qui traînent le samedi soir, là. Oh là là là là. Mais non, ouais. Tu rigoles, quoi. À cette heure-ci, je ramène même un morceau de lune. Oh là oh, là, le là, là, là. Eh, fais-nous celle, ton père, il a volé les étoiles dans le ciel, là. Ah non, ben non, je suis déjà en prison, ça va pas, non, je veux pas en parler. Attends, mais, non, mais t'es en taule là ? Ouais, c'est la vérité, je suis en prison. Mais qu'est-ce que tu veux ? T'as le téléphone ? Hop, ouais, hop, hop, hop, hop, hop, je n'ai rien fait. Mais attends, c'est... Non, mais attends, mais t'as le téléphone, c'est... Tu as le téléphone vite fait comme ça, alors. T'es où, à Bois d'Arcy ? Ouais, non, en fait, je peux pas le dire parce que si je dis où je suis après, ça se trouve demain, ils vont m'attraper. T'as ouais, la t'as santé. Non, mais, non, mais il vient de te dire qu'il veut pas dire où il est, mongol. Mais, non, mais quoi ? Ouais, parce que le téléphone, c'est pas. Enfin, tu l'as pas, quoi, en théorie. Prison. Normalement, c'est interdit, t'as vu, mais bon, bah, oui. Toujours à avoir des t'as combis. Alcatraz. Oh, ta gueule, qu'est-ce qu'il est lourd. Mais, d'accord, ok. Bon, et qu'est-ce qui t'amène alors, du coup Demain, en fait, j'ai rendez-vous avec une surveillante parce qu'en fait, la semaine dernière. Elle vient d'arriver, c'est une stagiaire, et j'ai fait connaissance avec elle. Ouais. J'ai réussi à l'embrasser, tu vois. Et demain. Mais t'as réussi à pécho une surveillante dans la prison, mais t'as un. Ouais, t'es un bon, mec, t'es un bon. T'as le téléphone, t'as réussi à pécho la surveillante. C'est quoi la prochaine étape, en fait? Vas-y, il va se faire la malle, hein. Mais écoute, je t'explique. Attends, tu crois que je suis un rigolo de kermesse, c'est ça? Mais non. Moi, je dis que t'es un bon. Eh, écoute, eh ben regarde, t'as vu, demain, normalement, j'ai rendez-vous avec elle, elle est de service, et je vais pas sortir de promenade, tu vois. Et en plus, quand par hasard, je dis, vas-y, soir, je vais essayer de péter Mika. Si Mika, elle me répond soir sur énergie, je vais lui dire, écoute, cadeau, dis-moi des idées, qu'est-ce que je vais lui faire demain? Y a pas de problème. Bah, la matraque, mec, hein. Ah, ouais, enfin, sexuellement, elle lui met pas des coups dans la gueule. Ah, non, eh, t'inquiète même pas, je vais bien la fomber. C'est ouf ça. Non mais comment c'est possible que t'es enfin comment une surveillante peut avoir un truc avec un. Non ça, un ça arrive souvent ça. Non je sais mais comment c'est possible parce que si tu veux il y a un moment En fait ça s'est passé tout seul en fait. En fait elle a ouvert la porte, elle était toute nouvelle et j'ai commencé à parler avec elle. Et j'ai vu dans son regard qu'elle avait, je sais pas, elle était super gentille. Et puis j'ai déjà dit qu'ils ne tentent rien à rien. De toute façon j'ai rien à perdre hein. Ils vont pas appeler la police, je suis déjà en prison. Ouais, donc, c'est après, ça, ouais. Bah, il faut pas te mettre en saule deux fois. Non mais elle je pense qu'elle risque non si elle se fait gauler hein. Ouais, je crois. Ouais. Elle est virée, elle a des problèmes. T'as compris. Et puis c'est pour ça que je voulais pas dire où j'étais parce que je veux pas non plus lui faire prendre de risques. Et après, imagine-toi que voilà, tu vois, je peux lui faire des problèmes par rapport à tout ça. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et quoi, du coup, mais quoi, tu veux coucher avec elle demain en taule? Bah, demain, franchement, je vais essayer de tenter le tout pour le tout. Je te dis la vérité. Bah, écoute, après, oui, pourquoi pas, s'il est bah, consentant, ma foi. Et bon. En plus, regarde, franchement, je suis tout seul en cellule, tout. Et j'ai fait un bon plus, ouais, ménage bien propre, bien clean. Demain, je suis réveillé, je suis au garde à vous à 6h du matin, je suis prêt. Ouais, il n'y a pas que toi qui sera au garde à vous. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Bah, la goule du matin sera là aussi, hein, tu penses. Et elle arrive à quelle heure elle vient le matin ou elle vient le soir? En fait, t'as vu, c'est à 7h15, elle fait l'ouverture des portes pour vérifier si on est bien vivant encore. Ah ouais. Et après, à 8h30, c'est la promenade. Et à partir de 8h30, t'as vu, elle a un petit laps de temps, tu vois, il y a 1h15 de promenade. Ce qui fait que, ben, on aura le temps de se décoter un petit peu, mais je vais essayer de bien là, tu vois. Mais t'es sûr qu'elle va dire oui ou t'es juste en train de faire un plan un peu prison break, c'est prison sex? T'as tatoué ta bite sur son dos ou toi? T'inquiète pas, j'ai la vaccinée, y'a pas de soucis. C'est un truc de ouf. En plus, je voulais, tu vois, rigoler, regarde, je voulais te dire un truc. En plus, t'as vu ce matin, j'ai écrit pour aller au médecin et donc, en fait, au médecin, à côté, juste à côté, il y a des boîtes à capotes, tu sais, pour les. Il y a certains détenus qui sont gays, tu vois. Ouais. Ça fait qu'il m'a vu prendre deux capotes comme ça, les ramasser, il m'a regardé. Il a fait une de ses têtes du genre comme si j'allais baiser un autre détenu, tu vois. Ah oui, il a cru que t'étais gay. Bah oui, alors voilà l'histoire. Je me suis dit, il me prend pour qui celui-là? Eh mais je découvre des choses ce soir, je suis en alu quoi. Bah non, mais après, ouais. Eh, écoute, on te rappelle demain, on va voir si t'as réussi à pêcher ou pas là. Écoute, de toute façon, je t'écoute le soir. De toute façon, bon, bah, nickel. Non mais t'as la radio aussi. À tous les temps. Hein même ça oui, mais ça ils ont la radio, ils ont mais la on télé. On est numéro 1 ouais, dans les prisons. Bien sûr. Mais je savais pas ouais, moi, que vous aviez la radio, la télé, le téléphone. Ah ouais ouais. Il a la plaie, t'as la plaie, rassure-moi. Et ils avaient mis le mini bar aussi ou pas? Mais tu vas rigoler, mais je suis à l'ancienne, j'ai la PlayStation 2 encore. Ah ouais. Ah c'est déjà pas mal. Mec, t'es en tôle quand même. Tu joues à FIFA, tu joues à FIFA 99? Non, je suis à GTA San Andreas. C'est déjà ça, écoute, ma foi. Non, mais écoute, pourquoi pas hein. Et quoi donc, si on t'envoie une Play 3, tu peux jouer avec ou pas? Non, malheureusement, on n'a pas le droit d'envoyer des colis, t'as vu? Ah, mais putain, les bâtards. Mais enfin, tu me dis, c'est normal, c'est les bâtards. En tout cas, manteau là, à la base. Bon, et t'as longtemps encore à faire ou pas? Bon, en fait, regarde, ça fait 3 ans que je suis incarcéré, il me reste encore 9 mois. Ah, bah, t'es presque à la fin. Hein. Bon, bah, très bien. Bah, courage à toi, en tout cas. Bon, bah, écoute, on te rappelle demain, d'accord? Eh, y a pas de souci, je vous fais des gros bisous et je voulais faire une dédicace à mon poteau Yasco. Ça roule. Bon, n'en dis pas trop parce que sinon on va te reconnaître. Ouais, fais attention. Non, tranquille, y a pas de souci. Bon, okay. Ça marche. Eh, mais Valentine, eh, je suis amoureux de toi. Bon, je te la repasse. Quand je sors. Attends, on te l'envoie en prison là. Ouais, on va. Eh, ouais, elle va venir te rendre visite. On va te l'envoyer. Eh, y a pas de problème, oh, je suis là, que je l'attends. Fais ici, mais et là. Ah, elle va tomber dans les pommes. Bon, ça roule. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne bourre. C'est gentil, ouais, bonne bourre. J'espère pour toi. Je vais vous expliquer dans les détails, y a pas de problème. Ça roule. Salut à toi, ciao. Je suis en Nalu. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, mais c'est ça. Tout le monde croit que la prison c'est bizarre. Ouais, voilà, non, en fait, c'est Orange is the New Black, hein, pour ceux qui suivent la série. C'est... Ah bah oui. je suis sûr que Bomet, ils doivent trouver ça comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Bon, allez, bonne soirée en tout cas, c'est Mickaël, on est sur Énergie jusqu'à 22h. On va se faire les appels mal intentionnés avec Tof qui va se faire insulter. On fait ça juste après, comme promis, le son de Julian Peretta sur Énergie. What we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Avec Mickaël sur Énergie de 20h à 22h jusqu'à 22h. C'est Mickaël sur Énergie. Passez une bonne soirée pendant les vacances. On est là 20h minuit du lundi au jeudi, 20h 22h le vendredi, et on se fait les appels mal intentionnés maintenant. Et c'est officiel, il ne faudrait apparemment qu'un seul rapport sexuel par semaine pour être heureux. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des scientifiques qui l'affirment. Et si c'est dit par les scientifiques, c'est que c'est vrai normalement. Ah bah toujours les scientifiques en théorie. Raison. Bah voilà. Donc Tof, tu vas voir avec tes amis. Enfin, quand on dit tes amis, c'est les gens qui les numéros des gens qui t'envoient. Hein, les numéros que les gens t'envoient, pardon, sur ton mail toph@energie.com. Tu les appelles et tu vas leur demander. Exactement. Tu vas leur demander quoi? Combien de fois ils couchent par semaine? Bah oui. Et bah c'est parti. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Non, c'est pas monsieur, non. Ah, c'est madame? Ouais, plutôt, ouais. Ah, pardon, bonsoir madame. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de rapports sexuels vous avez par semaine. Toi?

Alors ouais, alors j'étais petite et donc vu qu'on habite près de la frontière, ouais. Mes parents m'avaient amenée à Barcelone. D'accord. Et donc on est allé dans un parc à reptiles. Hey, je t'interromps, mais c'est quand même cool d'habiter à Perpignan parce que tu pars, tu sais, t'es à, je sais pas, 200 bornes, tu vois, pour un week-end à Barcelone en voiture, ah tranquille, oui, quoi, tu vois. Ah oui. C'est pratique, tu vois, que t'es quand même dans le sud, t'as les putes à côté. T'as les putes à côté, enfin, tu vois, t'es quand même génial, pas mal, quoi. T'as la neige. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau, hein, franchement, ouais. C'est un bel endroit. Bah oui, quand même, c'est pas mal parce que vu que moi j'ai les montagnes et il y a certaines plages, elles sont à 15 minutes de chez moi. Quoi. Donc, ah, mais en fait, donc tu peux aller faire du snowboard et après aller faire de la natation. Du surf. Ouais, ça, c'est trop génial. Dur. Non, mais t'imagines, putain, c'est fort. Du surf, non, parce que bon, les vagues sont pas assez hautes, mais du bon. Ouais, c'est vrai que c'est la Méditerranée de ce côté-là. C'est pas le plus ouf, quoi. Bah, pour les débutants, je crois que c'est bien. Après, tu te fais un bouchier. Ouais, ouais. Bon, alors, Adriana, vas-y, donc du coup, donc t'as été tout près de Barcelone dans un parc animalier. Ah, ouais, pour les reptiles. Et donc, du coup, bon, il y avait des serpents, des iguanes, plein de bestioles. Et donc, à un endroit, on pouvait toucher des reptiles, donc des geckos, des orvets et un énorme iguane. C'est vraiment un truc, mais c'était vraiment balèze, quoi, au moins 30 cm. D'accord. Et donc, il y avait un mec à côté, un mec employé au zoo. Alors, donc, il fait monter sur un tabouret, et vu qu'il était dans une espèce de bocal. Et donc, je commence à caresser l'iguane. Alors, l'iguane, déjà, il a roué des yeux chelous. Et ensuite, finalement, je sais pas, j'ai dû le provoquer ou je sais pas quoi. Ou alors, il était juste un peu malade mental, mais en tout cas, il m'a chopé à la main. Alors ça a commencé à saigner et tout, alors bon, moi je suis du genre assez flippé, donc en gros j'ai commencé à paniquer. Et la légende dit que si on veut qu'un iguane vous lâche, faut lui couper la tête. Bon, c'est pas vrai, c'est mon bon, il a pas voulu me lâcher, quoi. Donc du coup j'ai sorti du bocal où il était, j'ai commencé à secouer la main, finalement il m'a lâché, il était à l'autre bout de la pièce, il a commencé à vouloir se casser. Et donc ils m'ont emmené à l'infirmerie du zoo. Et donc l'iguane, du coup maintenant il est aussi dans un terrarium et même ils ont décidé que c'était trop dangereux et maintenant on peut plus les toucher. Ah d'accord, il est en prison l'iguane ou pas? Non mais non. Maintenant il est dans un terrarium tout pourri et là récemment je suis allée le voir. Et t'as encore des cicatrices ou des séquelles? En fait, t'es allée le voir genre. Ah ouais, des oranges et tout, hein, une petite lame pour essayer pour essayer de sortir, non mais sérieux. Ben en fait il m'a mordu entre le pouce et l'index de la main gauche, vraiment dans le creux. En fait j'ai plus de cicatrices et j'ai eu la chance, il m'a pas mordu profondément, mais par contre j'ai dû porter un bandage pendant un mois, c'était vraiment pénible. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes, bah ça va, ça aurait pu être pire, imagine il t'aurait bouffé un doigt dis donc. Ben le problème c'est qu'en plus c'est le truc, ça a plein de microbes dans la bouche, du coup ça a été infecté et tout, c'était devenu violet, c'était horrible. Non putain, ah ouais, violent ouais. Et c'était quand ça? J'avais 3 ans. Ah oui, donc t'avais un tout petit doigt aussi. Ah oui, d'accord, ouais, putain, ouais, voilà. Super petit alors, d'accord, ok. Eh ben dis donc, bah merci Adriana, je suis un peu Kenny Gwen, ça mordait, c'est pour dire. Mm-hmm. Je savais que ça pouvait attaquer, mais de là à mordre gratos comme ça, je sais pas. Ah bon, bah écoute. Je peux rester pour Polo Show? Oui, bah alors dis-le à Seba au standard sur le repas, ce qu'on te rappelle tout à l'heure, comme ça on bloque pas toutes les lignes. D'accord? Allez. Ça roule. Salut à toi Adriana, à bientôt, bye bye. Allez, restez bien là, on va se faire la pub vite fait. On va revenir juste après, il y aura le canular avec Bilal, du très très lourd. Restez là, on va se le faire, comme le son de Dioro d'ailleurs. Et puis 21 Pilots qui arrive juste après la pub sur NRJ. Passez l'été, il faut vacances avec NRJ. Du 28 juillet au 15 août, la team et les stars NRJ viennent s'éclater avec vous sur le Energy Summer Tour. Toutes les dates de la tournée sont sur energy.fr. Les vacances, c'est cool. Rendez-vous dimanche à Ouistreham avec Boosty et avec Lidl pour profiter d'un instant de fraîcheur sur le Energy Summer Tour. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Gagnez toute la journée votre compile Énergie Beach Party 2016. Tous les hits du moment sont réunis sur 3 CD avec Alvaro Soler, Pitbull et Macassé, Kenji Girac, Théoro, Amir, Calantis, Station et Sean Paul, Kungs, Jonas Blue, Imani, Mom, Jules, Sound of Legend, Major Lazer, K-Black, Dad, Slimane, Dimitri Vegas. La compile Énergie Beach Party 2016, déjà dans les bacs.

Non, mieux. Tu l'as pas vendu, tu l'as échangé. Moi, j'arrive avec ma PS4. Et puis, quand je vais voir la gueule de, quand je vais voir la gueule du PC, je vais demander que tu me donnes l'argent en plus. Ah, ok, ça, d'accord. Ouais, c'est mieux. Donc, ça. L'échange. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un échange, mais finalement, c'est un peu d'argent en plus. Évidemment, argent que tu vas demander à prêter à ton frère. Ok. Évidemment, forcément. Okay. Bon, eh ben, nickel. On y va. On appelle Bilal maintenant. Et puis, bonne chance. Non, on appelle Younes. On appelle Younes, pardon, excuse-moi, et Bilal, c'est toi. C'est parti, bonne chance. Donc on est chez moi à la maison, hein. T'es venu avec le PC là. C'est parti. Okay. Allô. Ouais, allô Younes. Ouais. Ça va? C'est, ouais, c'est Bilal. Ouais, ça va. Pourquoi tu m'appelles en inconnu? Ah, tu sais, j'ai problème là avec la carte Bouygues. Bref, je voulais te dire, tu sais, sur le bon coin, là, tu mets des annonces. Ouais, mais J'ai pas mis, ouais. Là, j'ai mis la free. Tu vois, genre, sur le bon coin, j'ai pris ton ordi et je l'ai mis à échanger contre une PS4. Que tu vois, je t'ai dit, je voulais une PS4 et tout. Ouais, alors, pourquoi t'as fait ça? Tu vois, parce que je voulais la PS4, du coup j'ai pris ton ordi. Et là je suis chez quelqu'un là, le vendeur qui s'appelle Michel. Et ouais. Du coup je vais lui passer l'ordi. L'ordi et lui va me passer la PS4. Monsieur, je vais regarder là, l'ordinateur il est pas terrible. Donc moi je veux bien l'échanger, mais vous mettez 100 euros de plus, hein. Oh, comment ça t'es chez lui là, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes là? En fait, vous mettez 100 euros de plus ou pas, monsieur? Oui, dis-lui de t'affirmer l'autre là derrière là. Attends, T'es où? Dis-moi, t'es où? Bon, vous mettez les 100 euros ou pas? Parce que bon, moi j'en ai d'autres, après, oui. Il faut que je vois les autres personnes. Oui, monsieur, oui, oui, attendez, je discute avec lui. En fait, là, je suis chez lui et il veut que je lui rajoute de l'argent pour l'ordi. Parce qu'il dit c'est pas assez, il a vu l'ordi, il a dit c'est un ancien et tout. Oh, mais d'où c'est un ancien? Tu sais combien je l'ai acheté cet ordi déjà? Et d'où tu prends mon ordi comme ça sans me demander? Hein? Bah, attendez, c'est à qui cet ordinateur? C'est pas à vous là? C'est quoi? C'est un volet? Passe-moi le gars, vas-y, passe-le-moi, vas-y. Attends, je te le passe. C'est qui au téléphone? Oui, c'est mon frère en fait. L'ordi là, lui, mais il était ok, je comprends pas pourquoi. Ah bon? Passez-le-moi alors. D'où j'étais ok, là? C'est bizarre. Allô? Attends, je te le passe. Oui. Oui, allô, monsieur. Oui, bonsoir. Bon, oui, écoutez, bon, moi l'ordinateur, je l'ai vu, c'est pas un ordinateur de compétition, donc je veux bien l'échanger contre la PS4, mais il faut mettre 100 euros de plus. Hein. Écoutez, l'ordinateur, il est pas à vendre, mon frère. C'est bien, c'est un échange, c'est bien pour ça. Non, à vendre, j'aurais jamais acheté ça. Hein. Là, éventuellement, un échange, parce que bon, là, j'ai une PS4 qui vient de. Enfin, elle vient de là, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un échange. C'est comme la PS4 est pas très clean, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je voulais l'échanger contre un ordinateur plus clean, comme ça, je suis tranquille, vous voyez. Ah, vous comprenez pas, l'ordinateur, il est ni à vendre ni à échanger. Là, j'ai vu l'annonce. Il y a pas moyen, j'en ai besoin pour mon boulot. Tant pis, ça vous démerdez avec votre frère. Après, moi, il est venu avec l'échange, on s'est appelé, échangé des mails, là, il est là, l'ordinateur est là, moi, c'est bon, je vous le prends. Écoutez, ça peut pas se faire comme ça sans mon autorisation. Hein. Ah oui, mais ça, je m'en fous de votre autorisation. Moi. Pour moi, c'est le propriétaire, celui qui est venu avec l'ordinateur. Hein. Vous, je sais même pas qui vous êtes. Écoutez, dites-moi où vous êtes. Je viens tout de suite. Oui, donnez-moi l'adresse. Je sais bien que vous êtes chez vous et que. Bah, pourquoi vous voulez venir? Moi, ça sert à rien. Si vous voulez venir chercher votre frère, a priori, vous pouvez venir après. Mais bon, là, voilà, moi, l'échange sera fait. Hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Non, mais ça sera pas fait. Je vais venir et je vais vous défoncer tous les deux si c'est fait. Restez calme avant que je commence vraiment à m'énerver, monsieur, là. Parce que là, votre ordinateur, finalement, je vais le garder. Je vais garder la PS, je mets tout le monde dehors, moi, et puis j'en ai rien à foutre. Hein. Ouais, bah allez-y, essayez avec mon frère, si vous avez pas vu. Je vais lui mettre un coup de pied au cul, vous allez voir, hein, comme tous, hein, moi j'en ai rien à foutre. Attendez, pour qui vous prenez, vous là? Vous mettez une annonce, la personne vient, je perds mon temps, on échange de trucs, on échange plus, puis finalement met ordinateur tout récent, le truc c'est une vieille bouse. Une vieille bouse, ouais, c'est ça, ouais. Donc écoutez, je vous repasse votre frère, moi de toute façon j'en ai rien à foutre. Hein. Monsieur, finalement c'est 150 euros que vous me donnez en plus de la PS4, hein. De toute façon sinon vous sortez pas de là, j'en ai rien à foutre. 150. Je voulais demander. Allô, Younes. Tu sais combien ça coûte une PS4? Ça coûte 400 balles. 400 balles, je te les donne, y a pas de souci. Mais tu rentres tout de suite avec cet ordinateur là. Tu prends pas cet ordinateur, tu donnes pas ce PC à ce chien là. Vas-y, rentre tout de suite. Rentre. Mais. Non, de toute façon, j'ai mis les haut-parleurs, monsieur. Alors un petit peu de calme et gardez votre sang-froid là. De toute façon, quoi qu'il arrive, l'ordinateur, je le prends, j'en ai rien à foutre. Non, moi qui en ai rien à foutre. Toi, tu rentres à la maison tout de suite. Pars. Oh, mais il est grand et tout, il est musclé, vas-y. Il est musclé, t'es plus grand que lui, tu mesures 1m90, qu'est-ce que tu vas faire, t'as peur de lui ou quoi? Vas-y, hop, dégage. Mais évidemment qu'il a peur de moi, il a raison. Toi, ferme-la, vas-y, ferme-la. Ferme-la, je te dis, ferme-la. C'est bon, ton ordi, t'en as deux, t'en as un du travail, là. J'en ai deux, il est pas à toi. Et, bon, écoutez, vous savez quoi, de toute façon, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, moi, je le démonte, l'ordinateur, est-ce que c'est clair? C'est moi qui est venu, je vais te démonter, tu vas voir. Ah ouais, c'est moi qui. Ah bah très bien, vas-y, alors attends, vas-y, écarte-toi un petit peu là. Monsieur, je vais lui péter, j'en ai rien à foutre de son ordinateur pourri là. Non. Voilà, tiens, allez hop là, l'écran il est pété, encore un petit coup là. Allez, encore un petit coup là, voilà. Allez, bah maintenant il vaut plus rien pour partir avec, hein. J'en ai plus rien à foutre de ce truc. Hein. Oh Bilal, je te préviens, il a fait un truc. Tiens. Il a fait un truc. Allez, encore un, tiens, allez, voilà. Allez. Voilà, et puis vous allez me faire plaisir de ramasser le verre par terre, hein, parce que sinon, il y a mon chien, il pourrait essayer de couper, là. Bilal, donne-moi l'adresse. Donne-moi l'adresse tout de suite. Viens ici, Toff. Allez, au pied. J'ai pas l'adresse, moi, je sais pas. Viens ici, Toff. S'il te plaît, là, allez, t'approches pas du verre. T'es allé chez lui, tu sais pas, tu connais pas l'adresse? Comment t'as fait pour aller chez lui si tu connais pas l'adresse? Non, il m'avait donné rendez-vous à un arrêt de bus, ensuite il m'a ramené chez lui, c'est pour ça, je connais pas l'adresse. Toff, t'approches pas du verre, mon petit chien, t'approches pas. Il a cassé, en plus il a un chien là. Et moi tu sais comment j'aime pas les chiens là. J'aime juste les Non, t'approches pas du verre, Toff. Arrête d'aboyer. Écoute-moi bien, je vais raccrocher le téléphone. Écoute-moi bien, je vais raccrocher le téléphone. Tu vas lancer Google Maps, tu vas prendre la position, tu me l'envoies. Dis donc, il va donner des ordres d'autres là. Toi, je te parle pas, toi. Moi, je te parle. Frère, okay. Hein, alors, ton ordinateur, si tu veux, tu peux venir avec l'aspirateur comme ça on nettoie, d'accord? Toi, tu la fermes, je te parle même pas à toi. Mais moi, je te parle, on est chez moi là, c'est moi qui gère. Alors, on est chez toi, c'est ton téléphone là, c'est avec toi que je parle? Non, alors. Non, mais on est chez moi, c'est mon espace. Vas-y, Bilal, je raccroche, tu m'envoies la position. Bah, sinon, je te donne l'adresse. Attends, non. Vas-y, donne l'adresse. Ah, bah, t'as de quoi noter ou pas là? Je vais te donner là. Ouais, je note là, vas-y, voilà, donne l'adresse. 17, donc c'est à Strasbourg. 17. 17. R. U. R. E. Ouais, c'est bon, je sais comment écrire rue, vas-y. Bon, on sait jamais, hein, parfois il y a des gens qui. Là. Alors, S. C. H. A. R. V. E. N. B. E. R. G. Schwarzenberg. C'est où ça? Bah, c'est à Strasbourg, tu connais pas ta ville ou quoi? Ouais, Strasbourg, mais quel coin de Strasbourg? Bah, c'est à Strasbourg, tu tapes dans le GPS, tu vas pas m'emmerder là. Oh, qu'il est con! Eh, il est pas très fut-fut ton frère, hein? On voit qu'il a pas inventé la poudre, hein? Y a pas de soucis, je viens tout de suite. Il a pas inventé la poudre, hein? Vas-y, attends. Eh, oublie pas l'aspirateur, hein? Ouais, je vais venir avec. Tu vas voir avec quoi je vais venir. Avec quoi? Bah, avec l'aspirateur! Ah ouais, avec l'aspirateur, ouais. Tu viens avec l'aspirateur? Ouais, je vais avec l'aspirateur, ouais. Bah oui, viens avec l'aspirateur! Ah ouais, ouais, vas-y. Eh, tu fais ouais, c'est genre tu te la ramènes là, non, il me semble, Bilal. Oh merde, il est raccroché. Attends. Eh, il s'est énervé, mais il hésitait quand même à un moment. Hein. Attends, on va le rappeler. Il est poli, c'est bon. C'est vrai qu'il est très poli, cela dit. Je vais lui passer mon chien. Tu vas encore là? Oh, mais pourquoi t'as raccroché comme ça? Parce que je viens là, je m'habille et je viens. T'as trouvé l'adresse? Je te passe mon chien. Toff, viens ici, parle au monsieur. Ferme-la, toi. C'est qui ce. Où t'as trouvé ce gars là? Comment allô pour trouver. Allô? C'est qui? Allô? C'est qui? Allô? Ouais, c'est le chien. Allô? Ouais, vas-y, moque-toi de moi, toi. Vas-y, repasse mon frère là. Mais non, mais je me moque pas. Je suis le chien. Repasse mon frère, je m'en fous que tu sois le chien, je m'en fous que tu sois le chat, je m'en fous de tout ce que t'es. Repasse-moi juste le frère. Non, le chien, pas le chat. Moi j'aime pas les chats, parce que je suis un chien. Tu comprends que j'aime pas les chats ou pas? Bon, on va arrêter de faire tourner en bourrique. Bilal! Ouais. C'est Mickaël, c'est sur Énergie. T'es en direct sur Énergie, la radio La Panthère. C'est Énergie. Non, c'est quoi ce bordel? Mais c'est rien, justement, c'est le bordel. Qu'est-ce que tu as trouvé? Comment as-tu trouvé la prestation de mon chien Toff? Il était magnifique, c'était le plus beau chien qu'il ait jamais eu au téléphone. T'as vu un beau chien, hein? Ouais. Ouais. Il y a de la casse. Ouais. Oui, attends, de la casse, ouais. Attends, on est en direct là? T'es en direct, tu peux brancher ta radio si tu veux sur Énergie, tu vas t'entendre. Pas trop fort, Bilal, sinon ça va faire mal aux oreilles à tout le monde. Donc, si, c'est bon, t'inquiète pas, l'ordinateur va bien. Enfin, je pense, hein, Bilal. C'est moi, Bilal, Lucie Younes. Merde, putain, à chaque fois j'inverse. Bilal, c'est bon, l'ordinateur est intact? Oui, il est à la maison, tranquille. Bon, non, bah voilà. Je me suis mis dehors pour pas réveiller mes parents. Ça va alors. Bon, bah très bien. Bon, de toute façon, vous allez pouvoir vous réécouter sur energie.fr dès que le podcast sera mis en ligne. Ouais, et puis, du coup, Bilal et Younes, restez au standard, on va vous prendre des coordonnées, d'accord? Non, okay. C'est vraiment en direct là. Mais oui, t'es en direct. Bien sûr, t'es en direct. Si vous voulez faire aussi un petit canular, vous pouvez le faire. On remet ça dès lundi. Si vous avez envie de piéger quelqu'un et gagner PS4, Xbox, il y a des tablettes Samsung Galaxy Tab, etc. Vous pouvez envoyer un mail maintenant à Seba au standard. Vous mettez bien canular hein, ou un autre jeu auquel vous voulez jouer. Vous envoyez votre numéro de téléphone donc et vous envoyez ça à Seba, seba@energie.com. Comme promis, c'est 10 euros qu'on écoute tout de suite sur Énergie. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Chez sa mère. Et Polo n'ira pas prêcher sa philosophie. Par contre, ils seront avec vous. De 20h à 22h. Sur Énergie. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. On est sur Énergie et c'est jusqu'à 22h tous les vendredis. Puis la semaine de 20h à minuit, hein, du lundi au jeudi. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez évidemment m'envoyer un mail directement. Enfin, envoyez le mail directement à Seba au standard, c'est plus simple, avec votre numéro seba@energie.com. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est là aussi MIKL officiel. On va se faire jeu du tupu maintenant avec Mathieu qui est avec nous. Salut Matt. Salut Mickaël. Comment tu vas? Ça va et vous? Bah ça va plutôt pas mal. Bah oui, tranquillement, en direct. C'est mon anniversaire Mathieu. Aujourd'hui. Non, bah bon anniversaire. Oui, ça te fait 24 ou ça te fait 25? 24. 24 ans. Eh ben dis donc Mathieu. Eh ben je te souhaite de gagner pour ton anniversaire justement. Alors tu veux jouer contre qui? Contre Toff et sa quatrième défaite d'affilée au risque d'en avoir une cinquième. Contre Polo qui est à zéro puisque ça fait longtemps qu'il n'a plus joué. Ou contre moi qui suis à la... Je crois que c'est quatrième aussi. Quatrième victoire, ouais, je sais, Mathieu, mais si tu veux, c'est comme ça. Quatrième victoire d'affilée. Je vais jouer contre Toff, et d'ailleurs un petit coup de pelle à Toff. Ah bah avec plaisir. Toff. Hop là, dans sa gueule. C'est là qu'on sent le mec qui prend des risques et tout, et ça c'est beau. Ouais, mais quand même, je trouve que la quatrième victoire, c'est pas beau comme chiffre. Non, 5, ce serait mieux. Ouais. Voilà, cinquième défaite, pardon, pas victoire, ouais. Je me confonds. Cinquième défaite d'affilée, ce serait pas mal. Bon, Mathieu, on y va, c'est parti. Tu commences ou Toff commence? Bah on va laisser l'honneur au tardant. Ah bah parfait. Alors on y va. Quel homme généreux tu es. On y va. Je rappelle le principe, c'est le jeu du tupu. On appelle des gens, on appelle au Canada, côté francophone forcément. Et bah chacun son tour, hein, Toff et puis toi. Vous allez devoir avoir une discussion, un dialogue avec la personne qui va décrocher. Et il faudra dialogue ouvert à ce que vous voulez, hein, vous racontez n'importe quoi. Sauf que il faut que ça reste cohérent et que vous placiez un maximum de fois tupu dans la phrase. D'accord? Bon, une minute maximum, celui qui en place le plus a gagné. Toff, on y va, bonne chance. C'est Polo qui compte les points. Ouais. Allez. On y croit. Je le vois bien, cette cinquième défaite d'affilée pour Toff. Merci. Ah, je la vois bien là. Ça me fait plaisir, tu crois. C'est un peu écrit comme sur des néons, tu vois. Ça clignote, ça. Merci. Ouais. J'espère, j'espère. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui. Dites-moi, je vous appelle parce que je reçois des tupus qui viennent de chez vous, tupus. Et du coup, quoi? Des tupus. Vous voyez, vous savez, quand vous dites à quelqu'un tupu comme ça, vous savez, c'est pour un Français, c'est difficile d'entendre tupu. Ouais. Alors venant en plus d'un Canadien, voilà. Donc je comprends pas. Hey. Oui. Ça me surprendrait que ce soit des tupus de ma part parce que. Ah si si. Ton numéro est inconnu. Bah oui, c'est ça qui est bizarre, monsieur, parce qu'en fait, moi je reçois des tupus chez moi, alors que vous êtes au Canada, moi je suis en France, et donc tupus, c'est quand même bon, c'est violent, quoi, vous comprenez. Donc moi je me dis que peut-être quelqu'un pirate votre ligne et m'envoie des tupus. Et du coup, ça, ce sera embêtant monsieur, pour vous. Il faudrait que vous me donniez votre numéro de téléphone, on va pouvoir regarder c'est qui a envoyé des tupus. Bah oui. Bah oui, c'est ça, c'est quoi, parce que ça fait quand même, c'est quand même violent, tupu, vous comprenez. Ouais, voilà, c'est comme si moi je vous appelais, je vous disais qu'Alice, vous voyez, ça se fait pas, tupu, vous voyez. C'est logique quand même, monsieur, que tupu, c'est un peu violent. Donc mon numéro, c'est 0033, tupu. Hop là, et c'est trop tard, le dernier tupu n'est pas valide, il était déjà passé, la minute c'était était passée. Pas mal, il était bon le chien de la casse. Hein. Il était pas mal. J'ai l'impression de s'être entraîné ce week-end. Ce week-end, ouais, ouais. J'appelle en fait des gens de chez moi. Voilà, c'est ça, avec son portable. Bon, alors ça fait combien de tupus? 13 tupus pour 13. Le chien bon. De la casse. Mathieu, 13 étant un film. Ouais, qu'est-ce qui va pas? Un chiffre qui porte malheur, à mon avis, Toff va perdre. C'est comme ouais, ça que je le vois. Il a mis la barre très haute. Donc bon, ça va, 13, bon. Mathieu, c'est gérable. Oui, hein, non, 14. Ouais, ouais, il faut faire 14, mais franchement, c'est gérable. Bon, Mathieu, à ton tour, on y va, on appelle, jeu du tupu. J'espère que cette cinquième défaite d'affilée est bel et bien écrite. Bonne chance, Matt. Merci. Moi, je mise sur la victoire de Mathieu. Écrasante. Oui, bonsoir, monsieur tupu. Bonjour, c'est monsieur Mathieu Tupu au téléphone. Je me permets de vous contacter parce que Tupu, j'ai votre fils qui m'envoie plein de messages en me disant Tupu par message. Et du coup, bah, c'est moi, je ne puis pas, quoi. Donc, c'est Tupu par message venant d'un Canadien, c'est pas forcément un Tupu, quoi. Donc, vous savez, monsieur Carlo? Vous savez, monsieur Carlo? Oui, c'est Carlo Tupu. Oui, oui, je vais le passer à Edgar. Je vais le passer à Edgar, oui, ça. Oui, votre fils, il va bien, tupu. Parce que moi, depuis l'enfance, tupu, voilà. Oui, alors bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur tupu. C'est Mathieu Tupu au téléphone. Je vous appelle parce que, bon, votre fils qui m'envoie des messages en disant tupu, comme ça, toutes les 10 minutes, ça va, quoi. Au bout d'un moment, tupu, voilà, une fois par-ci, une fois par-là, ça va, mais tupu deux fois, tupu trois fois, c'est commence à en avoir marre, tu vois, parce que... Tu pues, moi je pue pas. Stop, la minute est passée. Alors, mesdames et messieurs, ça ladies and gentlemen, 13 tu pues pour Toff. Est-ce que cette cinquième défaite est bel et bien écrite? Que tout le monde se pose comme ça. C'est dommage, t'as fait un peu de merde parce que t'as dit je pue, tout ça, ouais, ça me ouais, ça compte attention, pas. Ouais, c'était tu pues, on conjugue pas. Donc j'en ai enlevé plein, ouais. Mais t'as été pas mal, 23. Oh là là! Putain, il s'est fait démonter ses cinq de merde. Bravo Mathieu. Il a été éclaté. Ah oui, ouais. Et Toff en est à sa cinquième défaite. Bravo. Et ben voilà. Toff. Christophe. Non, la bonnet n'est pas disponible. Oh là là, quel mauvais perdant alors. Oh là là là, quelle meuf. Qu'est-ce que tu voulais lui dire, Mathieu? De quoi, comment de quoi? Il allait après 5 défaites. Oh bah, il va bien parce qu'il va dire qu'il a été volé. Bon, oui, bref. J'ai été volé parce que normalement j'avais des comptes doubles qui n'ont pas été pris en compte. Et donc, quoi? Mais non, mais arrête de. C'est quoi les comptes doubles? Les comptes doubles, c'est quand le mec d'en face dit tu pues, normalement. Ils ont été comptés, pauvre con. En double. Mais comment? Non, en double, non. Non, ça c'était exceptionnel. Tu comptes une fois, mais t'as ça. Et l'autre, il s'invente des règles. Non, il a dit tu pues, tu prends un tu pues, tu crois quoi? Tu veux pas qu'on compte en double? Non, il comptait double, normalement. Mais n'importe quoi. J'ai encore été volé. Mais oui, c'est ça. Bon, Mathieu, bravo, victoire et bon anniversaire encore. Je te renvoie chez Seba au standard, merci. D'accord. Salut à toi, merci Mathieu. Mais arrête de dire que t'es volé, t'es pas volé, tu volé, fais de la merde. Je suis volé. Qu'est-ce qu'il est lourd alors celui-là? C'est ta truc beauté de qui a été volée. Ah ça, non, elle a jamais été donnée. Ah, oui, je suis volé en permanence. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, si vous voulez jouer au jeu du tu peux aussi, vous pouvez ta gueule. Vous pouvez envoyer un message à Seba au standard seba@energie.com ou par SMS Mickaël espace pué par exemple, j'en sais rien. Ou je, vous mettez ce que vous voulez. Vous laissez votre numéro de téléphone et vous envoyez ça aussi 112. On va dans quelques instants écouter le son de Boosty, même pas dans quelques instants, on va se le faire maintenant. Et il y aura aussi Esteban tout à l'heure avec nous et les appels mal intentionnés, ce sera les derniers avant 22h sur Energy. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's sommeil. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Tu ne veux pas survivre en apnée. 20h, 22h, on s'installe tranquille sur Énergie. On est sur Énergie jusqu'à 22h comme tous les vendredis soirs. J'espère que vous allez passer une bonne journée tranquillement, à la cool. Si vous voulez participer à l'émission, on sera là dès lundi en direct de retour. Évidemment, vous pouvez m'envoyer envoyer un mail à seba@energie.com ou venir nous rejoindre Facebook, Twitter, Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel et il y aura une Samsung, une tablette Samsung Galaxy Tab à gagner sur le Facebook de l'émission. Ce sera lundi soir, soyez là donc à partir de 20h. Restez bien là aussi puisqu'il y a Ken Jones qui va arriver. Il y aura Dua Lipa également, Manzelmer Love. Et puis on va accueillir Esteban. Vous bougez pas de là, on se met la pub en speed et on revient juste après. Un pour tous.

York, Miami, Tahiti, des destinations de rêve. Oubliez la fête, les cocktails, la plage. Oh non ! Des destinations de rêve. On est là. Oubliez l'aventure, le sport, les vacances. C'est Mickaël sur Énergie. De 20h à 22h. Et sur Twitter, Facebook et Instagram, M-I-K-L officiel. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie jusqu'à 22h avec Ken Jones qui va arriver dans quelques minutes et puis Esteban qui est avec nous maintenant à Toulouse. Salut Esteban. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va. Bon bah bienvenue à toi Esteban. Alors dis-moi, t'appelles de Toulouse toi, la ville rose, comment ça va? C'est pas trop chaud là en bas? Il fait chaud, ouais. Tu m'étonnes. C'est lourd. Ouais. C'est clair. À Paris, ça va mieux aujourd'hui. Il a fait un petit peu plus frais. Non, c'était cool, Paris. Non, aujourd'hui, il a fait bon. Il faisait chaud, mais pas suffocant. Donc ça va, c'était plutôt cool. Dans le Nord aussi. Non, c'est vrai, il fait chaud à Paris. Bah écoute, depuis quelques jours, contre toute attente, oui. C'était pas gagné du tout. Ça n'arrive pas souvent, donc on en profite. C'était pas gagné du tout au début de l'été, mais quand même, finalement, un petit peu. Bon, Esteban, raconte un petit peu tes métiers de rêve. Tu voulais dire quoi, toi? Tu voulais faire quoi et tu veux faire quoi? Moi, je fais depuis février mon métier de rêve. Je fais scaphandrier. Scaphandrier, alors c'est-à-dire? C'est ça. Mais, je fais des travaux sous-marins. Donc tout ce qui se fait sur Terre, je le fais sous l'eau. Mais t'as un exemple plus précis? Je soude sous l'eau, je fais du béton sous l'eau, je fais des interventions sous l'eau pour faire des recherches. Ouais, putain, voilà. C'est marrant ça. Et comment c'était venu? Ben, un jour, quand j'avais 16 ans, je me suis dit que je voulais faire scaphandrier. Voilà. Ah, carrément. Donc, putain, c'est marrant ça. Mais quoi, ton père l'était? Quelqu'un de la famille? Un ami? Parce que, tu vois, c'est un métier quand même qui est relativement pas très courant, quoi. Non, il me semble que c'est que j'avais vu un reportage ou une émission dessus et je me suis dit, je veux faire ça. Putain, c'est génial. Et du coup, tu l'as fait, c'est génial. Et alors quoi, c'est beaucoup d'études ou pas? Parce que je connais pas du tout. Ben, après, moi, j'ai fait BEP, BAC et un BTS en chaudronnerie. Ouais. C'est un soudure, quoi. Uh-huh. Et après, il te faut 4 niveaux de plongée à loisir. Ah, pour ouais. Accéder à la formation. Ouais, forcément, ouais. Du coup, mais quoi, et du coup, tu travailles dans quel coin? Parce qu'à Toulouse, il n'y a pas la mer. En fait, il n'y a pas la mer, mais je travaille en rivière. Donc tout ce qui est centrale hydroélectrique, barrage. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc t'es pas obligé d'être forcément la mer, quoi. Après, j'habite pas vraiment Toulouse. Je suis en chantier sur Toulouse. Ah, ok. En chantier sur Toulouse. Mais tu construis quoi? Ouais. Non, mais il est en chantier, il travaille là. Oui, c'est ça. Mais il construit un truc. Il y est pas pour. Ah, il est pour les. Bah, il fait scaphandrier. Il fait pour les réparations sous l'eau. Oui, j'ai compris. Donc, mais il construit quoi là en ce moment? En ce moment, on fait des bâtards d'eau. En fait, on coupe le lit de la rivière. Des bâtards d'eau. Ouais. Et les connards, vous allez les faire quand? C'est ça, on fait des trucs de bâtards. Donc, c'est quoi des bâtards d'eau? C'est quoi des bâtards d'eau? C'est des planches en acier qu'on met devant les centrales hydroélectriques pour couper l'arrivée d'eau. Et, pour pouvoir intervenir donc, sur la turbine à sec. Ah oui, d'accord, ok. Putain, c'est quand même chaud comme métier. Enfin, chaud, c'est original. Oui, c'est original, en tout cas, c'est clair. Ouais. Et du coup, si on veut faire ça, il faut faire quoi? Bon, pas que je veuille changer de métier, mais enfin, bon, des fois, qu'il y en a qui veulent le faire. Peut-être que toi, veux faire des bâtards d'eau. Ouais. C'est, après, tout le monde peut le faire, il faut juste un CAP. Ouais. Mais après, l'école, c'est un peu cher, c'est dans les 12 000 euros. Ah oui, quand même. Ah oui, pour faire. Mais ça gagne bien, du coup, aussi, ou pas? Ça gagnait bien. Maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de scaphandriers et pas beaucoup de travail. Ah ouais. Il y a de moins en moins d'eau, donc forcément. Bah oui, forcément ça, c'est réchauffement climatique. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, original en tout cas, scaphandrier. Bah merci Esteban. Et de rien. Ça, c'est un métier que je connaissais, mais je ne savais même plus comment ça s'appelait, dis donc. Bah merci beaucoup Esteban. Tu rappelles quand tu veux, t'es le bienvenu, évidemment. Ça marche. Allez, ciao à toi. Et puis, si vous aussi voulez passer dans l'émission, rencard sur le mail de Seba au standard, seba@energie.com. N'oubliez pas que c'est la dernière émission, les dernières minutes entre couilles. Oh, à partir de lundi, on sera avec une fille dans l'émission. Eh oui, bah toi qui va essayer de. Ah, fais pas ton cinéma, t'es ravi qu'il y ait une fille. Mais non. C'est ça. Tout ça parce qu'il va essayer de la pécho. Non, Il va se prendre une tôle. Bah voilà, c'est ça. Donc ça sert à rien. C'est le problème. Enfin bon. Moi, on avait pris une meuf que j'étais sûr de serrer. Ouais, bah. Tu sais jamais sur un malentendu. Ouais, bah alors faudra qu'il soit gros. Ah oui, un beau malentendu, effectivement. Allez, Menzel Merlove arrive dans quelques minutes, les appels mal intentionnés. Et puis là, c'est le son de Ken Jones sur Energy. Oh là là. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson

Oui, mais parce que non, moi j'ai le RSA, hein, donc je préfère rester à la maison. Ah bah moi aussi j'ai le RSA, c'est pas pour ça que j'emmerde les gens. Bah d'accord, mais voilà, donc vous savez ce que c'est, hein. Après on a la maison, on cogite et après on appelle les gens pour leur poser des questions. Ouais, mais toi, tu dois pas être normal, je te jure, t'es vraiment un cerveau bizarre, toi. Bah pas du tout, madame, enfin pourquoi vous dites ça? Non, mais je t'entends pas pendant une semaine, je t'entends pas de la journée, et comme les scorpions, ils cassent la tête. Mais non, je vous casse pas la tête, madame. Moi, je vous pose une question, vous y répondez, on n'en parle plus, on raccroche, on souhaite moi, une bonne soirée. Moi, je te dis, des questions débiles, j'y réponds pas. T'es sourd ou quoi? Bah, non, je suis pas sourd, mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas répondre à ma question. Moi, je réponds pas. C'est pas la peine, tu peux m'appeler tous les jours, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, je réponds même pas. Tu peux lever les deux bras et dire je rêve. Je répondrai pas à tes questions. C'est vrai, attendez, j'essaye. Je rêve. Bah, tu peux toujours rêver. Et tu sais quoi, tu devrais dormir et peut-être dans la nuit, je vais répondre à ta question. Ah oui? Vous voulez que je vous rappelle plus tard alors? Non, dans la nuit quand t'auras fait dodo, un gros dodo, et tu verras si je vais répondre à ta question débile. Eh bah d'accord, on fait comme ça alors, madame. Hein, je vous rappelle dans la nuit. Oh, alors là, tu peux toujours rêver. Hein. Moi, je perds mon portable. Ah, t'es pur cauchemar de tout. Je sais pas, t'es plus chaud que la terre, elle n'est jamais pu porter. D'accord. Bon, bah, je vous rappelle demain alors. Même pas en rêve. Eh bah, ben on fait comme ça, madame. Alors à demain? Ouais, c'est ça. Va dormir et surtout, te réveille plus. Hein. Ah bah non, moi je comptais pas me réveiller, madame. Moi je voulais juste vous poser une question. Allô? Ah, raccroché, merde. On dirait Virginie Hussac-Neuf. Ouais, y a un truc. Hein. C'est ça, il y a un peu de ressemblance quand même, Virginie Hussac-Neuf. Et donc pour info, c'est de nouveau le même auditeur, le petit, qui nous a balancé le numéro de sa mère. Et qui après, c'est vraiment un sale gamin. On le rappelle, on la rappelle, pardon. Ça se fait pas. Non, bah ça se fait pas, la pauvre. Oui? Oui, bah je m'excuse, mais on s'est même pas souhaité une bonne soirée, on s'est pas fait de poutou. Y'a pas besoin de poutou, tu crois au pays des bisounours ou quoi? Ah, non, mais enfin, je trouve ça sympa qu'on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous, on se dit une bonne nuit, quoi. Je te connais même pas, tu me connais pas, puis tu me casses la tête. Mais non, je vous casse pas la tête. Je voulais juste qu'on se souhaite une bonne soirée. Moi, je sais pas, moi, va faire joujou, là. Je crois que tu peux être depuis des ch'troumpes pour la bisounours, là. D'accord, mais on peut se souhaiter une bonne soirée ou pas, alors? Vas-y, passe ta bonne soirée, puis me casse-moi plus la tête. Je sais pas où t'as été chercher mon numéro de téléphone, toi. 118-218, madame, toutou youtou. Non. Je l'ai caché de mon numéro, j'ai fait pour personne ne me trouve, et toi, tu me trouves. Bah oui, c'est parce que vous êtes pas très bien caché. Bah ouais, t'es pire que le chétan, toi. Si vous le dites. Bon, allez, je vous fais des bisous, on se souhaite une bonne nuit. Et surtout, me casse plus la tête. Hein. D'accord, Me casse plus la tête. Promis, je vous rappelle demain. Bisous. Alors là, tu peux toujours rêver. Bon, un petit bisou quand même. Allô? Oh merde, elle aurait fait un bisou, on aurait pas dû le rappeler. Bon. Bah oui, là, on est obligé. Bah oui, là, on rappelle. Alexandre qui dit bien dit, Toff. Toff, t'es un scorpion, il sert à rien. Oui, c'est vrai. Tu vas me casser la tête longtemps, toi? Non, mais un petit bisou quand même. Juste un j'ai petit. J'ai pas besoin de ton bisou. J'ai pas besoin de ton bisou. T'as qu'à te le bouffer, ton bisou, et te le mettre dans ton gros zouk. Oh non, madame, c'est pas gentil ce que vous dites. Moi, c'est pas gentil. Tu crois que t'as pas les gens? T'es toujours avec tes mots de USB, là? Bah oui, moi, je suis gentil, madame. Bah ouais, c'est ça, t'es gentil. Ouais, t'es gentil, mais de loin. Bah oui, de toute façon, moi, je suis à Paris, madame. C'est loin de chez vous. Bah purée, heureusement, t'es à Paris, parce que si t'étais ici, là, c'est tombé, là, tu vas me rendre dingue, là. Oh non, madame, moi, je voulais juste qu'on se fasse un petit bisou pour souhaiter une bonne nuit. J'ai pas besoin de ton bisou, tu peux te le bouffer. Non, allez. Y'a pas de non, allez, non, ça allez. Se fait, ça allez, se... vas-y. Et vas-y, ta maman, elle t'appelle, là. Elle va te mettre ta couche, là. Et boire ton un biberon aux fleurs d'oranger avec du miel, tu vas faire un gros dodo. D'accord. Et bah, je fais comme ça, madame. Allez. Ouais, c'est tout. Ouais, et surtout, efface mon numéro. Hein. Bah, non, je vous rappelle demain. Tu peux pas donner ton numéro comme ça, je le bloque. Oui, alors c'est 01. Ouais, des bobards, là, je vais me raconter des conneries. Hein. Un numéro qui n'existe pas. Mais si, il existe, madame, c'est mon numéro. Ouais, bien sûr. Tu vas me sortir un numéro qui ne marche pas, c'est sûr. Mais si, c'est mon numéro. Mais... Ouais, bien sûr, c'est ton numéro. Bon, bah si vous voulez. J'ai rien pour noter, t'as de la chance que j'ai rien pour noter. Bon, bah tant pis alors. Bon, allez, je vous embrasse fort et à demain. Et si tu ne m'appelles plus, hein. Bismillah, m'appelle plus. Hein. D'accord, bisous. Ouais, c'est ça, bisous. Bon, allez. Et ben voilà, elle était charmante comme d'habitude. Adorable. Bon, si vous avez une maman comme ça ou quelqu'un que vous connaissez dans le même état d'esprit, envoyez le numéro pour qu'on puisse évidemment appeler ces gens, hein, bien sûr. Vous envoyez ça sur toph@energie.com et on le fera dès lundi sans problème, avec plaisir, n'est-ce pas? Oui, voilà, vous avez tout le week-end pour envoyer des numéros de téléphone des gens qui vous énervent un peu. Et si vous connaissez quelqu'un, ça peut être même pas quelqu'un que vous connaissez, hein, mais genre par exemple vous êtes, je sais pas, vous êtes au Pôle Emploi.

DJ Assad et DJ Milouz retournent les clubs tous les week-ends en France. Et chez vous, en écoutant Énergie le samedi de 19h à 20h. Royal Mix Énergie. It's music only. Tu sais qui vient de gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques ? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires ? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin ? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Le mariage est l'un des plus beaux jours dans la vie d'une femme. Enfin, presque. Avant, il y a surtout son enterrement de vie de jeune fille. Tout y est permis. Dîner, danse et surprise jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est aussi le moment où on peut commencer à détester ses amis. Sorry, je me marie lundi 29 août sur Énergie 12. De 20h à 22h. Mickaël. Mickaël. Et sur Énergie. Jusqu'à 22h. Eh oui, c'est presque fini. C'est Mickaël sur Énergie. Venez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et sur Instagram également. C'est sur M-I-K-L officiel. Et puis on va prendre Teddy qui est avec nous maintenant. Salut Teddy. Salut Mickaël. Comment ça va ? Ça va et toi ? Alors le fan ultime de Cristiano Ronaldo. Non mais attends, c'est mais c'est pas, t'es sérieux là avec la photo que tu m'as envoyée sur le Facebook ? Ouais, c'est ça, c'est la chambre. Bah je vais quand même la poster sur, sur mon Facebook, comme ça vous allez pouvoir la voir sur M-I-K-L officiel. Mais il y a un moment, mec, mais t'es complètement barré, Teddy. Teddy ? Ouais. Ah voilà, t'as toutes les chaussures, t'as un mur qui est complet avec toutes des photos de Cristiano Ronaldo, t'as le plafond qui est rempli de photos de Cristiano Ronaldo, tous les murs, le sol, tout, mais t'es un ouf. Ouais, mais je vais le rencontrer, c'est mon rêve. Non mais là c'est incroyable, attendez, je vais quand même montrer la photo, je vais vous la mettre, hein. Je vais la montrer à Poulou et à Toff là. Et non ça, mais t'es sérieux là ? Ça c'est juste un bout de son mur. T'es un malade. Voilà. Mais t'es complètement dingue. Ah le mec est complètement dingue. Mais ça a pris combien de temps pour faire tout ça ? Ah ouais, parce que là, mec, t'as... Deux ans, parce qu'il a les couvertures des magazines, il a tout. Mais tu l'as déjà rencontré, Cristiano ? Ouais, je l'ai vu à plusieurs reprises dans les matchs de foot, mais j'ai jamais rencontré... Ouais. Eh, évidemment. Non, mais incroyable. Je vais vous mettre la photo. Dites-nous, tiens, vous êtes. Toi, t'es fan que de Cristiano Ronaldo. Oui, tu me diras, t'as pas 36 chambres. Oui, voilà. Bah voilà, c'est ça, il n'y a plus assez de place, quoi. Et c'est quoi ton rêve ultime ? Bah, c'est de le rencontrer, quoi. Coucher avec lui, non ? Non, une petite cartouche. Allez, arrête. Ah ouais, putain, c'est dingue. Toff, tu vas rencontrer qui, toi ? T'es fan de quelqu'un en particulier ? En particulier, non. Non. Mais si, il y a l'autre con, là, de Californication. Ah oui, David Duchovny. Ah oui, c'est David Duchovny. Je suis sur fan. Et Bronson. Si, ouais, Bronson, ça me ferait marrer de le rencontrer une fois, ouais. Pas Charles. Richard, hein. Ouais. Richard Bronson. Charles est mort, de toute façon. Ouais, en plus, ouais, le milliardaire, celui qui a fait sa fusée, la Virgin Galactic, ou je sais pas quoi, là. Qui fasse un tour dedans, ouais. Ouais, bah ouais. Et Polo, toi, t'es fan de quelqu'un en particulier ? Non, de personne. Rien, pas un mec en particulier ou une meuf en particulier ? Non, en ce moment, il y a une meuf que je voudrais bien rencontrer pour la baiser. Ouais, mais ça n'a rien pour à voir. Pour le charcuter le cul, c'est la meuf Adèle, je sais pas quoi, là. Adèle ? Adèle et Artelle Poulos, je sais pas quoi. L'actrice, non, l'actrice. Il y a une actrice, Adèle, je sais pas quoi. Atralopoulos, allez, elle me plaît là en ce moment. Bon, bref, écoute, trouve le nom et puis on verra. Il y a Antoine qui est fan d'eux, qui appelle de Rouen. Salut Antoine. Salut à tous. Ça va bien ? Salut. Ça va et vous ? Eh ben, ça va pas mal. Alors, raconte un peu là, t'es fan de qui ? Parce qu'on a eu un fan de Cristiano Ronaldo tout à l'heure au téléphone et je vous ai mis les photos de sa chambre, mais qui est juste hallucinante. Si vous voulez voir, hein, vous tapez M-I-K-L officiel et puis vous me donnez vos avis et puis dites-nous aussi si vous êtes fan de quelqu'un en particulier. Alors Antoine, raconte un peu, t'es fan de qui toi ? Alors moi je suis fan de Johnny Hallyday. Enfin j'étais fan de Johnny Hallyday. D'accord. Mais quel âge as-tu ? Mais 16 ans là. Ah ouais, mais à cause okay, de qui ? C'est tes parents ? Non, mes parents ils aiment pas. Enfin ils écoutent pas spécialement. Ah bon ? Mais ouais, parce que mon daron il est fan, mais bon il a un certain âge quoi. Ouais. Non, non, non, il est fan de Johnny Hallyday. Ouais, ah ouais, il adore, mais qu'il les connaît toutes par cœur. Allumé ! Non, les vieilles, pas. Ah genre. Ouais voilà, les rues du port du pénitentiaire. Les ports du pénitentiaire, c'est ça. Porte du pénitentiaire. Attends, je vais voir si je l'ai pas fait. Ouais, les gens m'appellent l'idole des jeunes. Ouais, c'est ça, voilà. L'idole des jeunes. Au baiser de ma bouche. Il est fan de sa tempère. Non, c'est pas ça. J'avais pas le vieux, ça. C'est un rond cœur, quoi, ton daron. Ouais, c'est un rond cœur avec la veste en cuir. Non. Bien sûr. Merde, c'est la version live. Celle-là ? Oh, celle-là, il doit la chanter au karaoké. Oui, si, ça, il l'a. Non, il me regarde pas le karaoké. Si, je suis sûr, et puis. mais ouais, non, parce qu'il faut savoir, que mon père avant avait donc avec des cassettes dans sa voiture. Je pense que la cassette, la bande devait être détendue tellement il l'a écoutée. Et donc maintenant il les a remplacées par des CD dans sa nouvelle voiture. Non, bien sûr. Ah putain, c'est bon ça. Mais oui. Quand l'ombre et la lumière. Putain, je vois déjà le père de Toff en train de chanter ça au karaoké. Avec Maryse qui applaudit en fan. Que je t'aime. Allez, vas-y Toff, chante. Allez. Que je t'aime. Allez Christophe. Allez Christophe. Je les connais pas, moi, je les écoutais pas ces trucs-là. C'est le refrain, tout le monde connaît. Eh bah chante. Eh bah chante toi. Il répète que je t'aime. Eh bah dis chante au lieu de dire tu mets ça, tu jettes le pauvre. Attendez. Ok, Toff ne connaît pas Johnny Hallyday, mais ça oui. J'adore ce morceau. Et l'autre là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Fais attention, Polo. Parce que l'avant d'en parler. Ouais. Merde, il y a l'autre là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Non mais le pire c'est qu'il est sérieux. Il a la tête du mec qui kiffe la musique. J'adore ce morceau. C'est Julie Pietri. Ah, en fait, pour l'explication, en fait, bon, ça fait longtemps que je le sais, mais il y a, j'avais complètement oublié et on était dans la voiture avec Polo, on se zappait et puis je tombe. Je crois que c'est, on est tombé sur Nostalgie. C'est ça, ouais, et j'entends ça. Et je dis putain c'est quoi cette naserie encore. Et t'as Polo qui dit oui mais t'as fait fan de ça. Et je dis oui putain c'est vrai. Mais c'était beau. Le choc de la vie, c'est le jour où il m'a dit ça. Ça et Jane Manson, je suis archi fan. Jane Manson alors. Attends, elle chante quoi elle? Mais c'est de la merde. Qu'un morceau, c'est tout pourri mais moi j'adore. Oh le ragard. Mais hey, c'est pareil, moi je kiffe Wesh alors de Jules, tu vois, je. Ah oui, kiffe Wesh alors, c'est vrai. Mais c'est tellement chiant. Passe à la radio, je la chante. Hein. Attendez, il y a Wesh alors, Jul, ok. Bon, t'aimes ou t'aimes pas, après le problème n'est pas là. Mais Jane Manson. Jane Manson. C'est pareil, c'est des chansons, tu sais, c'est des chansons toutes pourries qui te restent dans la tête. Oh, c'est génial. C'est vraiment nul. Mais oui, c'est vraiment. Attendez, on va faire le. Quelle est votre pire chanson que vous aimez bien, mais la honte? Mais dont ta honte? Eh ben dont moi, il voilà, y a ces trois là. Il y a Jules avec Wesh alors qui est. Voilà. Wesh alors. Moi, la chanson que t'aimes, mais dont ta honte. Voilà. Bah, c'est quoi toi, Polo? Ouais. J'ai pas honte, mais tout le monde trouve que c'est naze. C'est Jealous Rock de Elvis Presley. Non, ça va, Elvis Presley. Bah oui, mais tout. Ah oui, non, mais je parle d'une vraie honte. Ça, c'est la honte. Je m'excuse, mais vraiment. Oui, mais j'aime pas ça, moi. Putain, Valentine. Je suis en train de réfléchir, il doit y en avoir 30 000 en plus de chansons. Ça y est, elle a déconnecté là, c'est foutu, ouais, on l'a perdu. Moi j'en ai une, alors attendez, je vais voir si j'ai l'extrait, sinon je vais essayer de. Ah, je sais, c'est l'auto. Comme. Guichard. Ouais. Ah putain, je déteste. Ah ouais, j'aime bien. Merde, j'ai pas l'extrait, attendez. C'est, ça s'appelle Mon Vieux. Ouais, c'est ça, c'est du même avec Camille. Mais voilà, après. C'est une chanson dont t'as honte, mais si je l'entends à la radio, je l'écoute. Antoine, c'est quoi toi ta pire honte au niveau des chansons? Johnny. J'en ai pas. Bah là en ce moment ouais c'est Johnny parce que enfin je suis plus trop fan quand j'ai 16 ans, donc voilà. Mais à l'époque, non, je sais pas. Ah putain, ouais, parce que là, tes potes, ils doivent se foutre de ta gueule quand tu dis, ouais, j'ai des places pour aller voir le concert. Ah ouais, t'es un concert de qui? De Jules, de Gims, de Rihanna, de Drake? Non, Johnny Hallyday. Oh putain, oh mec, au plat. J'ai été le voir plusieurs fois, j'ai dépensé 1 800 € pour les concerts. Ouais, parce que c'est cher, hein, les concerts de Johnny. Mon dieu. Bah, c'est 150 € la place à chaque fois. C'est ça. C'est archi cher. Ah ouais, c'est super cher. Ah, je l'ai. Si tu veux être bien placé, c'est une fortune quoi. Ah ouais, ça m'étonne pas. Je l'ai rencontré il y a 4 mois. Non. Ouais, bah j'ai réussi à trouver le numéro du manager sur internet et j'ai rencontré. Oh, t'es un bon toi. Ah putain, ouais, toi t'es au top. Hein. Ah, vas-y, t'as trouvé quoi, Valentine? Mais vous allez vous foutre de ma gueule pendant toute ma vie. Non, mais c'est quoi. Pas l'autre. On n'est pas comme ça. David et Jonathan. Ah, j'ai vacances. Alors, David, je crois que je l'ai. Attendez. Non, c'est. Attends. C'est la bah, si, c'est... Est-ce que tu viens pour les vacances? Oui, voilà, c'est celle-là, ouais. Est-ce que tu viens pour les vacances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Oh putain, la honte. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je la connais par cœur, c'est ouf. Je C'est ringard. Bah ouais, je sais, hein, c'est ringard au possible, ça. Ah, c'est pas que c'est ringard. On est au je, de... je me demande si c'est pas pire que James Hansen et Jules Pierre. Si, si, c'est la même, non, c'est les mêmes. C'est sur le podium, c'est le numéro 1. Ah, oh là là là là là là. C'est, ouais, c'est assez dingue quand même. Je vais essayer de vous retrouver la chanson de Guichard là, pour ceux qui les connaissent pas. Je vais essayer de vous... je l'ai trouvé, mais encore faudra-t-il arriver à mettre l'ordinateur sur dans la radio. Alors ça, c'est pas encore gagné non plus cette affaire. Bon, ben merci Antoine en tout cas d'avoir appelé. Hein. Bah, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu ici, y a pas de souci. Salut Antoine. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Et puis, on va se faire le son de Dua Lipa. Je vous rappelle que pour vous inscrire à l'émission, dès lundi, on sera de retour en direct. Vous pouvez envoyer un mail directement à Seba au standard, seba@energie.com. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real, I'm the realest it gets. He probably still adore me, with my hands around your neck. You feel the warmth, yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayer? Heaven, we all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I'm high like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell, hotter than hell. Les vacances, c'est appel mal intentionné, auditeur complètement dingue, des jeux, des canulars et surtout Mickaël, Duff et Polo de 20h à 22h sur Énergie. Dans quelques minutes sur Énergie, le hit Énergie DJ Buzz. On va juste en profiter pour prendre quelques minutes pour se dire au revoir. On reviendra lundi à partir de 20h. Oui, on sera en direct malgré que ce soit le 15 août. On n'est pas, on sera non, là. Non, on chipote pas avec ça. Bah, attends, on est là pendant toutes les vacances, alors on va pas chipoter pour un jour férié. Hein. Bah non. Là, oui, on va pas chipoter, vraiment pas. Bon week-end, Polo, qui a prévu de. Je sais pas encore, je verrai. Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a Jason Bourne là. Il y a Jason Bourne. Ah, il y a Jason Bourne, ouais, c'est vrai. En plus, il y a des places gratuites avec Sarah. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre là. Ah ouais, c'est vrai qu'il aime pas Vincent Cassel. Il aime pas Vincent Cassel, c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, tant pis. De toute façon, tu peux bronzer là, ils annoncent un putain de beau temps là tout le week-end. Bah voilà, il va aller au cinéma en plein air. Bah, va avec toi au parc de la Villette, il y a un chouette resto où on aura dû y aller il y a 3 jours, il était fermé. Ah eh bah, oui, c'est vrai. Eh bah avec plaisir, si Polo veut, on peut aller y manger. Et bah voilà, tout ça pour pas m'inviter, t'as vu un peu comment il est. Bon, et Toff, il y a prévu quoi? Bah d'aller manger avec Polo là au parc. Ah bah voilà, du coup improvisation et puis Seba évidemment. Salut vous aussi d'ailleurs. Bon week-end. Il va faire du muscle bien sûr. Rendez-vous lundi 20h, on sera donc avec une nouvelle dans l'émission. Lundi 20h, passez un bon week-end et puis c'est le hit Energy DJ Buzz maintenant jusqu'à minuit sur Energy. Ciao. Energy 22h. Bonjour micro. Oh mais vous êtes là aussi. Des démarrer la fête du vendredi soir sur Énergie avec l'émission en référence des DJ. Le hit des clubs DJ Buzz. Énergie. Ah ouais, mais ça en fait du monde en fait. Merci d'être avec nous. Je déclare le week-end du 15 août officiellement ouvert sur Énergie avec les 40 hits les plus joués par les DJ en club. Nouvelle entrée que j'adore, là qui arrive, Bad Nelson, Igor Blaska. Juste après Anabit, c'est le hit des clubs DJ Buzz sur Énergie. Les 40 titres les plus joués en club partout en France. Le hit des clubs DJ Buzz sur Énergie. Give you a piece of this little heart of mine. s'appelle Lilian, avec vous pour le Hit des Clubs DJ Buzz. Jusque minuit, les hits les plus joués en club avec Fifth Harmony, Antiou et Tavares également qui arrive juste avant en un seul nom. Axwell, ex Swedish House Mafia, nouvelle édite de son hit Belong, 2 ans après, avec Shape Off. Axwell, nouveauté hors classement, c'est le Hit des Clubs DJ Buzz sur Energy. Down low, low. You can have this trouble if you give me some love. All I'm trying to do.

Tu sais qui vient de gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques ? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires ? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin ? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Essayez de vous rappeler. Je me souviens de tout. Je sais qui je suis. Aujourd'hui, la vérité ne tient qu'à un film. Jason Bourne, course contre la mort à la poursuite de la vérité. Je sais ce que vous avez fait. La prochaine balle est pour vous. Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Jason Bourne, un film de Paul Greengrass. Vous saurez tout actuellement au cinéma avec énergie. Sur Énergie. Numéro 35.